Mesdames, mesdemoiselles et mesdames, le temps est venu de dire non à l'éternelle folie de nos drames. Les râteaux, les vestes et les vents. Combien d'entre nous, pauvres hommes, ont eu la force et le courage d'approcher vos si charmantes personnes sans craindre vos odieux outrages? Car il nous en faut de l'ammiac pour vous aborder avec classe, sans s'imaginer se faire tatouer la marque où je vis une gifle en pleine face. Et Dieu, que le temps paraît long et notre cœur d'un froid glacial, quand il faut rentrer à la maison seul avec vos empreintes digitales. Saisissez-vous tout le mal qui si insignifiant vous semble, de voir revenir un camarade mal, les mains moites, la queue entre les jambes. Voyez la détresse de l'ami qui nous a soufflé ses paroles, lui qui nous disait c'est du tout cuit, il vient de se prendre une torgnole. Quant à la phrase de compassion, une de perdue, dix de retrouvée, on voudrait savoir quel est le con qui en revendique la paternité. Bien sûr, nos poésies d'un soir peuvent surprendre parfois, mais quand on vous susurre des bonnes dents de noir, sincèrement, c'est que l'on y croit. Alors, mesdemoiselles, soyez chic, voyez ces six hommes à vos pieds. Soyez indulgentes, gardez vos critiques et laissez-nous vous emballer. D'autant plus que de sources sûres, la preuve, nous sommes là devant vous. On est des beaux mecs du genre qui assure. Bref, ensemble, nous sommes.